Chapitre 16e, le feu et l'eau. En bas, dans une petite chambre du rez-de-chaussée, située juste sous celle où se tenaient les amoureux, deux hommes parlaient à voix basse. « Ainsi, signor, demandait l'un d'eux, qui était le digne Numa en personne, vous pensez qu'il n'y a rien à tenter ?»« Directement, non !» laissa tomber l'autre hargneusement. Cependant, son excellence... « Et son excellence confie la besogne et ne s'occupe pas des moyens de l'accomplir. Or, je suis seul, et ils sont deux là-haut. » « Oh !» fit Numa. « Une femme. Une simple femme, Procopio. Mais cette femme, vous ne la connaissez pas. Se voyant découverte, elle sera semblable à une lionne de Numidie, à une tigresse des Indes. Elle doit être armée d'un poignard et savoir s'en servir, je vous l'assure. Quant à l'autre, son compagnon, je le connais. J'ai eu affaire à lui. » Et il ajouta, en détendant son bras maintenant libéré de son écharpe, « Un homme dangereux. » En ce cas, approuva Perfecto, il vaut mieux être prudent. « Certes, » s'exclama Procopio. « D'ailleurs, que veut le marquis ? Que ce Français disparaisse, eh bien, il disparaîtra. »« Et comment, signor ?» demanda curieusement le patron des bains romains. « Voici. Une idée m'est venue depuis que je suis ici et que je cherche le moyen. Voyons, ils sont au-dessus de nous, exact. Ils sont au-dessus de nous, n'est-ce pas ? Exactement. Alors aidez-moi. » Et l'écuyer de Porto Carrero se mit à entasser au milieu de la pièce tous les meubles qui la garnissaient, lit, armoire, fauteuil, escabeau, bahut. Perfecto le regarda tout d'abord faire avec ahurissement. Puis, sur un signe de Procopio, il l'aida en lui demandant quel était son projet. « Attends, tu le sauras, » fit l'autre laconiquement. Et Numa Perfecto, inquiet, continua à prêter son concours à cet entassement bizarre. « Il va falloir que nous nous séparions, mon beau chevalier, » murmura Johanna après un baiser passionné. « Déjà ?» soupira Belcoeur en resserrant son étreinte. « Hélas ! Et quand te reverrai-je, mon âme ?» Elle sourit, puis, moqueuse, « Enfant, tu n'es pas satisfait de cette première entrevue. Ton amour n'est pas rassasié. Oh » jeta-t-il avec ardeur. « Dis qu'il est maintenant insatiable, méchante, puisque tes baisers, tes caresses l'ont exalté follement. » À ce point, plus encore. Ce n'est pas possible de l'exprimer. C'était un feu qui couvait sous la cendre. C'est devenu un brasier dévorant, un incendie dévastateur, un volcan en fusion. Et c'est pour cela, sans doute, fit-elle en riant, que je me sens toute brûlante. C'est vrai, ajouta-t-elle plus sérieusement, j'ai chaud. Ah, si je pouvais faire passer en toi un peu de cette flamme qui me consume. C'est fait, assura-t-elle. Je te jure, mon ami, que je respire avec peine. J'étouffe, en vérité. » Elle avait prononcé ces mots avec tant de gêne et d'inquiétude que Belcoeur s'arracha à son obsession d'amour. Il regarda autour de lui, aspira. « En effet, reconnut-il, que se passe-t-il donc ?» Il se leva vivement et allait marcher vers la porte lorsque Johanna cria. « Roselin, de l'air, je défaille !» Effaré, Belcoeur se précipita vers la comtesse qui se laissait retomber. Il la saisit entre ses bras, la souleva, la porta vers la fenêtre. Mais soudain, une fumée noire emplit la pièce. Des craquements secs, répétés, sourds, retentissaient sous ses pieds. Des flammes éclairaient la chambre, léchant les carreaux des fenêtres. « Le feu !» cria Roselin, presque aveuglé. Il courut vers la porte avec son fardeau et essaya d'ouvrir. Impossible. Lui, solidement verrouillé de l'autre côté, ne cédait pas. Les grondements augmentaient. La fumée s'épaississait dans la chambre et les flammes grandissaient aux fenêtres. En même temps, la chaleur devenait horrible. Allait-il être brûlé vif ? « Par l'amour de Dieu, qu'est-ce ceci ? » bégaya Roselin. Il suffoquait, dégrafa son pourpoint. Ce faisant, il lui sembla entendre comme le bruit d'un objet métallique tombé à terre. Il regarda machinalement, ne vit rien, et d'ailleurs ne s'en préoccupa point, absorbé par l'imminence du péril. Et puis, au milieu du grondement du feu, il avait à peine perçu le bruit et cru s'être trompé. Sans déposer la comtesse évanouie, il alla vers la fenêtre donnant sur le fleuve, l'ouvrit et recula aussitôt. Les flammes, hautes, rapides, énormes, s'engouffraient maintenant dans la chambre d'amour. « Corne du démon !» hurla Roselin. « Je ne veux pas mourir ici, enfumé comme un renard au terrier ou brûlé vif comme un parpaillot. Et elle, elle !» Soudain, un éclair de divination traversa son esprit. « Malédiction, c'est lui, l'Espagnol, le marquis, il a su, il se venge. Ah, le monstre !» Au milieu de la chambre, brusquement, le parquet s'effondra et l'on vit des tronçons de poutres embrasées qui fumaient. Au bas de ce trou béant, dans la pièce du rez-de-chaussée ainsi révélée, un véritable bûcher dressèrent à l'étage ses flammes et sa fumée âcre, épaisse, suffocante. « Parbleu, cela sent l'huile à plein nez, allez, canaille !» Et soudainement, Roselin prit son parti. Comme à tous les cœurs énergiques et valeureux, le danger lui rendait la lucidité et le sang-froid. Il tira son épée, la prit dans sa main droite, et jetant sur son épaule la comtesse toujours inanimée, il la maintint solidement contre lui avec son bras gauche. Puis, s'avançant jusqu'au bord extrême du gouffre creusé par le feu, il s'élança d'un bond dans le brasier. D'un autre bond, il fut près de la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée. Le bois, dévoré par le feu, laissait la baie ouverte. Belcoeur enjamba le cadre, fit deux pas, se trouva au bord du Tibre et sans hésiter se jeta à l'eau. Toute cette scène n'avait pas duré 10 secondes. Le feu qui avait déjà pris aux vêtements de Roselin et de Juana s'éteignit aussitôt dans le fleuve. Vigoureusement, comme s'il n'avait pas été chargé de son gracieux fardeau, le baron nagea vers l'autre rive. Il était 6 heures du soir. Le crépuscule venait. Belcoeur tourna la tête, pensant être poursuivi. Personne. Derrière lui, les maisons continuaient de flamber. « Les lâches !» gronda le capitaine. « Ils n'ont même pas su m'attendre au bas du pavillon, comme je le pensais. Mais si mon épée ne m'a pas servi, elle me sera utile ailleurs. Vive Dieu, je les retrouverai !» Nageant toujours, il atteignit la terre et choisit pour aborder un endroit où la berge était bordée par le mur du parc d'un couvent. Roselin de Givry grimpa sous l'escarpement, déposa la comtesse sur l'herbe et la regarda. Elle était pâle, avec les yeux grands ouverts. Le froid de l'eau la ranimait. Elle reprenait connaissance. Cependant, l'émotion avait été si forte qu'elle ne pouvait parler encore, et ses dents s'entrechoquaient de froid, de terreur. « Juana, dit le gentilhomme, c'est fini, mon bel amour, vous êtes sauvée. » Elle le regarda comme sans comprendre. Il se pencha, baisa les lèvres glacées et murmura. « Ce n'est rien. Revenez à vous, mi adorée, chère âme. » À ce moment, Belcoeur songea que la jeune femme était revêtue d'habits mouillés. Pourrait-elle regagner sa demeure en pareil état ?« Juana, dit-il, voulez-vous que j'aille vous chercher des vêtements? Dans une maison voisine, chez quelques femmes, vous m'attendrez là. »« Non, souffla-t-elle, aidez-moi à me lever. Je veux marcher, fuir d'ici. » Il obéit. La comtesse se dressa, fit quelques pas. Peu à peu, le sang revenait au visage, les pommettes se recoloraient, les lèvres retrouvaient leur éclat. « Je suis mieux, » prononça-t-elle. « Je pars. De grâce !» Alors, regardant sur l'autre berge, l'incendie toujours furieux, elle murmura. « Oh, c'est lui, c'est lui !» Belcoeur tressaillit. Ainsi, elle qui connaissait le marquis ne s'y trompait pas. Il l'avait bien deviné. C'était là l'œuvre de Porto Carrero. « Eh bien, dit Roselin, si c'est lui que vous soupçonnez de ce crime, ne retournez pas chez vous, n'y rentrez jamais. » Elle secoua la tête. « Si, au contraire, et le plus tôt possible. Il n'a aucune preuve. Je peux le braver, nier. D'ailleurs, à présent que je suis à toi et que je t'ai, je ne crains plus rien. Je saurai me défendre, va. » Elle caressa de la main les cheveux humides de son amant. Il s'écria. « Mais s'il vous attend ?» Je puis rentrer chez moi sans qu'il s'en doute, et changer de vêtements avant de paraître devant lui. Je te le répète, mon aimé, sois tranquille. » Et saisissant d'un geste passionné la tête de Belcoeur entre ses mains, elle l'attira vers elle et posa sur sa bouche de lèvres frémissantes. « Au revoir, mon amour, sois calme et confiant, je te reverrai, je te ferai prévenir. »« Juana, s'écria Roselin, et s'il t'arrivait malheur, comment savoir? Jusqu'à quand attendre ?» « De toute façon, et quoi qu'il survienne, » prononça-t-elle gravement, « je te jure que je te ferai savoir de mes nouvelles, bientôt. Séparons-nous, ne me suis pas. » Elle sourit et dit très bas, « Ma nourrice habite à quelques pas d'ici, une ruelle déserte. C'est chez elle que je vais tout d'abord. Laisse-moi faire. Je t'aime, je saurai sauvegarder mon amour. » Et la délicieuse jeune femme, après un tendre geste de la main, s'élança, légère, sur le chemin qui bordait le mur du couvent. Elle disparut bientôt dans la nuit naissante. Tant qu'il put la distinguer parmi la pénombre, Roselin la suivit des yeux, bouleversé de joie, d'amour, d'appréhension, de 1000 sentiments divers. Il voulait la suivre, malgré sa défense, ou la forcer à accepter son escorte. Il voulait la rappeler pour la voir encore, l'embrasser toujours, lui répéter qu'il l'aimait, entendre sa voix d'or. Mais il se contint et soupira, soudain là et triste. « La reverrai-je jamais ?